إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Mes frères, mes sœurs, je vous salue par le salut de l'islam et le salut de l'islam est salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bifadlillahi subhanahu, nous voulons arriver toujours aussi motivés et déterminés dans notre troisième jour de Ramadan. Ramadan vient à temps cette année. Il tombe à pic. Car en réalité, nous venons de passer des moments assez difficiles. Des moments de tristesse ces derniers mois. À vrai dire, le monde arabe, dans son intégralité, traverse des moments critiques. Nous avons besoin plus que jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette année, mieux que jamais, afin de recouvrir notre foi et notre équilibre. Nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Au fond, la leçon la plus importante à tirer du jeûne réside dans le fait de réduire l'importance que nous donnons et que nous accordons à cette vie. Bien évidemment, il faut maintenir un niveau de vie modéré et acceptable. Mais de là à se cramponner à la vie mondaine et à oublier la véritable raison de notre existence sur Terre, alors ceci est impensable et inacceptable. Notre passage n'est qu'éphémère sur terre. Notre fin n'est pas cette vie d'ici-bas, mais la vie dernière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris aux compagnons des règles de vie et leur a inculqué des valeurs morales très précieuses. Certains diront, oui, mais les compagnons ont vécu en même temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais que dira-t-on des générations des tabi'in, des successeurs, qui ne l'ont pas vu, sallallahu alayhi wa sallam. Les successeurs ont su faire preuve de discernement et ont bien compris la raison de notre existence sur Terre. C'est pour cette raison, la vie qu'ils ont vécue était empreinte de principes et de valeurs morales. Et nous devons de nous imprégner des qualités de cette génération distinguée et de tirer profit de leur profonde expérience. Dans le dessein de couper court à tous nos prétextes, s'agissant de notre impuissance et de notre faiblesse supposée ou réelle, à rappeler que cette génération n'est pas contemporaine à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, inshallah ta'ala, et par la grâce d'Allah subhanahu, nous rentrons aujourd'hui dans notre troisième épisode de notre série Ma'at Tabi'i avec les successeurs. Et nous traiterons aujourd'hui d'un d'entre eux parmi les personnages formidables, Uwais al-Qarni. En ce qui concerne Uwais al-Qarni, il est de tous les successeurs, encore mieux de toute l'humanité, le seul à avoir été évoqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a cité son nom à ses compagnons. Il a décrit ses traits, ses caractéristiques, a parlé de sa conduite, de son caractère, mais aussi de sa mère. Il a même signalé que ce successeur porterait une marque très nette sur son épaule gauche, séquelle d'une maladie. Il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait eu ces détails grâce à Jibril alayhi salam, dont les propos sont les suivants. Personne sur terre ne connaît ce successeur, par contre les habitants du ciel le connaissent parfaitement bien. Subhanallah. Par conséquent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut cette recommandation à l'endroit de ses compagnons. Quiconque vit et rencontre cet homme, qui lui demande d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Uwais al-Qarni al-Muradi ibn Amr al-Yamani. Il a perdu son père alors qu'il était en bas âge. Il a été élevé par sa mère, orphelin, et uniquement par sa mère, qui à elle seule a pris soin de son éducation. Il était âgé de 10 ans lors de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et de 20 ans lors du décès du prophète alayhi salatu wa sallam. Quelle est donc l'histoire de ce tabiri, de ce successeur, et en quoi consiste son mystère pour que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam l'évoque et parle de lui à ses compagnons? Uwais n'a que faire de la vie. La vie pour lui est futile et n'a aucune valeur. Soumis et docile à sa mère, Uwais lui est resté attaché jusqu'à la dernière minute. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi ses compagnons, parmi lesquels il y avait notamment, entre autres, Abu Huraira, Omar ibn Khattab, Bilal al-Habashi, Ali ibn Abi Talib et d'autres. Bref, des compagnons dont certains étaient riches et d'autres pauvres. Tous étaient réunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: demain, un homme des habitants de Jannah, du paradis, fera son entrée par cette porte-là et se joindra à vous pour accomplir la salat. Le lendemain, un homme humble et mal habillé entra dans la mosquée. En apercevant le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'épanouit et ses lèvres dessinèrent un large sourire sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva aussitôt et l'embrassa, l'enlaça, lui serra dans ses bras. L'homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de solliciter Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Ô Allah, fais qu'il ait pour résidence les hauts jardins du paradis, prononça le prophète sallallahu alayhi wa sallam en guise de réponse. Perplexe, Abu Huraira radhiyallahu anhu s'enquit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: est-ce bien lui envoyé d'Allah? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira dit alors: ce n'est pourtant qu'un simple esclave chez Beni Fulan, yani chez telle famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: sache, Abu Huraira, qu'Allah compte des gens privilégiés qu'il a choisis parmi d'autres qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. A signalé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup les pauvres. Abu Huraira radhiyallahu anhu lui dit: pourquoi ne cherches-tu pas à l'affranchir? Pourquoi tu, si c'est un esclave, pourquoi tu ne l'affranchis pas? Le prophète alayhi salam lui dit: que ferais-je si telle est sa part dans cette vie ici-bas, alors qu'il occupera le rang de roi au jour de la résurrection auprès d'Allah? Oui, il mènera une vie indigente ici-bas et aura le rang de roi auprès d'Allah. Et ceci est un message adressé aux pauvres. Arrêtez de vous plaindre et de vous lamenter. Et également un message adressé aux riches. Arrêtez de vous enorgueillir et de vous parader. Les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus et favorisés vivent discrètement. Poursuivit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le visage poussiéreux, le ventre creux. Ils sont ignorés sur terre, mais sont célèbres au ciel. S'ils cherchent à se marier, on les repousse. S'ils tombent malades, ils ne guérissent pas. S'ils se trouvent en société, on ne les connaît pas. S'ils s'absentent, on ne les cherche pas et on ne demande pas de leurs nouvelles. S'ils meurent, on n'annonce pas leur décès. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala les aime et les chérit. Abu Huraira radhiyallahu anhu lui dit alors: cite-moi-en un, ô messager d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Ouais, c'est le Qarni. De là, Abu Huraira dit : nous échangeâmes des regards étonnés, les compagnons et moi. C'est-à-dire que personne ne le connaissait. On ne le connaît pas, au roi d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à le décrire comme s'il le voyait réellement, bien qu'il ne l'a jamais vu. Et il n'a jamais été son compagnon. Il dit : il est de taille moyenne. Il garde haute la tête, le teint assez brun. Je le vois récitant le Coran en posant la main droite sur la main gauche. Il pleure de crainte d'Allah. Il est vêtu d'un vieux vêtement de laine. Il porte une trace blanche sous son épaule gauche qui lui vient d'une maladie. Ignoré parmi les habitants de la terre, il est célèbre parmi les habitants du ciel. Il a une mère envers qui il se montre obéissant et docile. Si bien que s'il demande une faveur à Allah subhanahu wa ta'ala, il est immédiatement exaucé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore : le jour de la résurrection, on dira aux croyants : entrez au paradis. Lorsque ce sera le tour de Uwais, les anges l'empêcheront d'y entrer, car on lui demandera : intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de qui tu veux parmi les croyants. Il se tiendra longtemps avant d'intercéder en faveur d'un nombre de croyants égal à deux tribus, Mudar et Rabi'a. Puis se tournant vers Ali et Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit : si vous rencontrez Uwais, demandez-lui qu'il sollicite Allah en votre faveur afin qu'il vous pardonne vos péchés. Omar et Ali, ces deux compagnons auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de leur vivant, ont besoin des sollicitations de Uwais. Et en plus, le prophète alayhi salatu wasallam qui leur annonce cela. Quel est donc le mystère de cet homme? La vie importe peu pour lui. Et il faut signaler que les compagnons aimaient les tabi'in. Ils les chérissaient en fonction des efforts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vise à réduire la lutte des générations jusqu'à l'annuler. Telle était la formation du prophète alayhi salatu wasallam vis-à-vis des compagnons. Quel rang nous autres occupons-nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est notre place? Au lendemain de cet entretien, le prophète alayhi salatu wasallam envoya au Yémen un émissaire qui n'était autre que Ali ibn Abi Talib radiyallahu an pour apprendre l'islam à ses habitants. Et là-bas, il croisa Uwais, qui avait à l'époque seulement 17 ans, mais Ali ne l'a pas reconnu. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : ignoré parmi les habitants de la terre, il restera. Récite-moi quelques versets du Coran, demanda Uwais à Ali. Et après l'avoir dévisagé, Ali récita : وَمَنْ لَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qu'Allah prive de lumière n'a pas de lumière. Et que dit votre prophète ? Demanda Uwais après cette récitation très courte. De là, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qui était quelqu'un d'assez perspicace, remarqua les vêtements qu'il portait et décida de lui rapporter un hadith qui avait attrait à la vie qu'il mène. Il lui récita le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit : nous sommes la vie et moi pareil à un homme qui marcha longtemps par un temps assez chaud. Et à un certain moment, il se trouva un arbre, s'abrita quelque peu sous son ombre, puis repartit en le laissant à sa place. Tout de suite après, Uwais prononça la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Que va-t-il faire à présent? Il n'a que 17 ans. se rendra-t-il à Médine pour y trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne plus jamais le quitter, tout en demandant à quelqu'un de le remplacer pendant son absence auprès de sa mère? Ou bien restera-t-il avec sa mère, aveugle, pour lui tenir compagnie et obéir à ses ordres? Non, jamais Uwais ne quittera sa mère. Il s'agit de rester auprès d'elle. Celui qui laisse quelque chose pour obtenir la satisfaction d'Allah, Allah le remplacera par quelque chose de meilleur. Qu'aurais-tu fait à sa place? 3 ans plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décéda. Et Uwais n'a pas eu l'occasion de le voir, bien qu'il se fût converti à l'islam durant le vivant du prophète alayhi salatu wa sallam. Le premier secret de Uwais, c'est qu'il sacrifia tout pour rester auprès de sa mère jusqu'à l'âge de 33 ans. La bienveillance envers les parents ne se limite pas simplement à certains principes de conduite, mais également à la bonne compagnie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit à un compagnon lorsqu'il lui posa la question: qui devrais-je prendre pour ami? Il lui dit: ta mère. Après, il lui dit: qui ensuite? Il lui répondit: ta mère. Qui ensuite? Il lui répondit encore une troisième fois: ta mère. Et à la quatrième fois, il a dit: ton père. Et le deuxième secret de Uwais, c'est qu'il n'était pas attaché à la vie d'ici-bas. Le prophète alayhi salatu wasalam est mort et Uwais ne l'a pas vu. Abu Bakr est mort et Uwais ne l'a pas vu non plus. Lorsque Omar ibn Khattab devint prince des croyants et calife des musulmans, il avait l'habitude de faire le pèlerinage chaque année. Et à chaque fois, sur le mont de Arafat, il demandait aux pèlerins: est-ce que Uwais al-Qarni est parmi vous? Personne sur terre n'a entendu parler de lui. Jusqu'au jour où Omar ibn Khattab ordonna: asseyez-vous. Tout le monde s'assoit, tous les pèlerins s'asseyent, sauf les gens qui viennent du Yémen, les Yéménites. Une fois que tout le monde s'est assis à part les Yéménites, il leur dit: asseyez-vous tous, à part les gens de la tribu de Mourad. Mourad, c'était une tribu du Yémen. Parmi les gens de Mourad qui sont restés debout, il leur dit: asseyez-vous tous, à part la tribu de Qarn. Yani Uwais el-Qarni. Qarni, c'est une tribu parmi les gens de Mourad, la tribu de ces gens qui s'appelle Qarn. Donc à ce moment-là, un homme se leva et dit: ferais-tu allusion à ce pasteur pauvre? Yani, c'est mon neveu, il lui dit. Omar alors pleura en révélant: viendras-tu le jour où ce pasteur pauvre intercédera en faveur d'un nombre de croyants, un nombre de croyants qui sera égal aux 2 tribus de Mudar et de Rabi'a? Subhanallah, Omar a été touché de cette parole qui négligeait Uwais. Durant 10 ans, Omar ibn Khattab chercha inlassablement Uwais pour lui demander d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Pourquoi? Parce que telle était la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il tenait à mettre en application. Et enfin, le jour était venu. Enfin, il l'avait trouvé. Est-ce que sa mère est toujours vivante? Non, répondit l'homme. Se tournant donc vers Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Khattab précisa: il ne serait pas venu si elle était toujours vivante. Subhanallah. Sa mère est morte. Il est parti faire le pèlerinage. Il ne savait pas encore qu'il était connu des habitants du ciel. Personne jusque-là ne lui a appris son rang auprès des gens du ciel. Montre-moi ton épaule gauche, lui demanda Omar en le voyant. Qui es-tu? Répondit Uwais. Omar ibn Khattab lui dit: je suis le prince des croyants. Uwais lui demanda: mais comment est-ce que tu m'as reconnu? Il lui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de toi. Et il nous a dit que tu étais ignoré des gens de la terre et connu des habitants du ciel. Il nous a également dit que tu serais vêtu de laine et que tu intercéderas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection en faveur de 20 000 croyants. Tous les prophètes te connaissent et t'aiment. Tu es leur chair, leur leur chair, yani, leur chair est tendre. Ya Ouais. Moi, demanda Ouais, le pauvre. Il ne s'agit pas d'une invitation à chercher la pauvreté en réalité, mais plutôt d'une invitation à la modestie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de te demander de prier pour nous et de demander à Allah de nous absoudre nos péchés, lui dit Omar ibn Khattab. Alors, à ces mots, Ouais dit, ô Allah, pardonne à Omar et à Ali. En réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que raffermir la relation entre les générations, entre la génération des compagnons et la génération des successeurs, des tabi'in. Omar ibn Khattab lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon compagnon ici-bas et dans l'au-delà. Tu vivras avec moi à midi. Mais Ouais ne voulait pas cela. Il lui dit, non, laisse-moi continuer à vivre discrètement. Mène ta vie comme tu l'as toujours fait. Toi, tout le monde te connaît. Alors que moi, personne ne me connaît. Laisse-moi partir. Alors Omar ibn Khattab lui demanda, pour aller où, dans quelle direction? Il lui dit, à Koufa, où personne ne me connaît. Ma mère est morte et tu as dévoilé mon secret aux gens du Yémen. Alors où j'aime vivre discrètement, je ne peux plus retourner au Yémen. Ça y est, en gros, tout le monde me connaît maintenant. Subhanallah, nous voyons déjà qu'une première occasion s'offre à Ouais. Mais Ouais refuse. Il lui dit, Omar ibn Khattab lui dit, est-ce que tu veux que j'écrive au gouverneur de Koufa pour qu'il t'accueille? Ouais lui dit, non, je ne veux pas qu'on me connaisse là-bas non plus. C'est la raison pour laquelle j'y vais. Omar lui dit, alors attends que je revienne de la Mecque pour te chercher de quoi te suffire pour vivre et que je te donne quelque chose pour t'aider dans ta vie. Et Ouais lui dit, mais pourquoi? Mon vêtement est toujours en bon état, de même que mes sandales. De plus, j'ai 4 dirhams que je n'ai pas encore dépensés. Et j'ai ma chèvre qui me donne du lait. Que faire de ton argent? Deuxième occasion qui s'ouvre à Ouais, qui se propose à Ouais, et il refuse. En voyant à quel point Ouais était un zahid, un ascète, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu pleura. Il pleura et se lamenta radiallahu anhu. Puisse la mère de Omar ne pas avoir donné la vie à Omar, dit alors Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. La situation dans laquelle je me trouve est parfaite pour moi, et la situation dans laquelle tu te trouves est meilleure pour les musulmans et pour toi, lui dit Ouais. Que chacun garde sa situation. Toi, tu es le prince des croyants et reste le prince des croyants, reste célèbre, et moi je reste pauvre et inconnu parmi les gens de la terre. Subhanallah. La question qu'on se pose ici, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a-t-il choisi Omar précisément? Parce que sa situation contraste avec celle de Ouais en réalité. Omar représente le pouvoir. Il a sous sa main toute la fortune de Khosroès. Alors que Ouais incarne la discrétion et ne possède aucune fortune. Mais les deux se trouvent dans leur désintéressement de la vie et dans leur ascétisme. Tout le monde est appelé à garder sa place. Le riche et le pauvre. Le fort et le faible. Cependant, ils doivent se désintéresser de la vie d'ici-bas. Imaginons Ouais au jour de la résurrection, en train d'intercéder et d'intervenir en faveur des croyants. Est-ce que Ouais prendra ta défense, ô mon frère? Est-ce que Ouais prendra ta défense, ô ma sœur? Est-ce que Ouais prendra ma défense pour avoir évoqué son histoire, pour avoir parlé de lui à mes frères et sœurs? Dira-t-il à sa mère, tu es la raison de mon salut? Cherchons-nous, nous autres également, à nous dégager et à nous désintéresser de cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dira au jour de la résurrection: sache, ô fils d'Adam, que le plus pieux parmi vous occupera le meilleur rang chez moi. Vous vous êtes toujours vanté de votre lignée: tel fils de tel, fils de tel, fils de tel. Alors que le plus important pour moi, c'est votre piété. Où sont donc les pieux? Accourez auprès de vos mères et tenez leur compagnie. Soyez modestes à l'image de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et à Seth à l'image de Uwais al-Qarni radiallahu anhu. Et rappelle-toi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans sourate Al-Kahf: cite-leur la parabole de la vie d'ici-bas, telle une eau que nous avons fait descendre du ciel. Les végétaux de la terre l'incorporèrent dans leur composition. Et voici qu'elles ne sont plus que que brindilles sèches à la merci des vents. Allah est éternellement capable de toutes choses. Les richesses et les enfants sont les parures de la vie d'ici-bas, et les choses durables et bonnes sont auprès de ton Seigneur, bien meilleures en tant que récompense et bien meilleures à titre d'espérance. Et le hadith de Ibn Omar radiallahu anhu, que vous connaissez certainement tous, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذ أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. حديث رواه البخاري. ابن عمر رضي الله عنه qui rapporte que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit, ou plutôt que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi par son épaule et lui a dit: sois dans ce bas monde comme si tu étais un voyageur ou comme quelqu'un de passage. Et Ibn Omar rajoute à ses paroles: quand tu es au soir, n'attends pas d'être au matin, et quand tu arrives au matin, n'attends pas d'être au soir. Prends de ta santé pour ta maladie, et profite de ta santé pour le moment où tu seras malade, et de ta vie pour ta mort. Ça veut dire profite de ta vie avant que tu meurs. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Notre troisième épisode se termine ici. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala: Alla taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nar masirana. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que cette vie d'ici-bas ne soit pas notre premier souci le plus important. Non pas, et qui ne soit pas non plus la seule chose dont nous ayons des connaissances, et qu'il fasse en sorte que l'enfer ne soit pas notre demeure finale. On actifi ala al-qadr wa sallallahumma ala ashraf al-anbiya wal-mursalin nabiyyina muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.